Hemel. Sans réfléchir, ce qui me fait flécher plaisir, c'est que je suis capable de dire, de voir que j'ai fait des erreurs qui m'ont fait souffrir. Aujourd'hui, j'en pleure l'ampleur de celle-ci. Ça cumule malgré tout, je peux pas dire que je suis nul. J'ai compris que c'était tête de mule. Joue la grosse tête, ben un jour la vie t'encule. T'es qu'une crépule, pis sans rien à voir, ce que tu souhaites qu'elle dure. Chose fréquente, c'est juste en grandissant, tu t'en rends compte, alors tu cesses les comptes. Les comptes de tes échecs ne se comptent plus. J'en ai laissé couler des larmes sur mes joues, en raison mon cœur blessé, je m'en cache pas, j'en ai fessé des murs agressés verbalement. Jamais que j'ai baissé la tête heureusement. Sauf que les sentiments souvent sont plus forts que les gens autour de nous. Oblige presque à les oublier gentiment. Pensez juste à nous, agirez avec faiblesse. Un homme blessé parfois, faut le tenir en laisse. J'en ai connu qui ont laissé leur vie pour une maladresse. J'espère jamais faire partie de ceux-là. Cette chanson, je la chante et en même temps, je me l'adresse. Et en même temps, je me l'adresse. La vie, la liberté, puis le bonheur, j'ai sauvegardé avec honneur. Pour ça, j'ai dû me lever bonheur, faire le vide comme dans un ravin, monter haut dans les gradins. Pas couru à la vitesse lapin, j'ai pris le temps d'armer ma mentalité bien formée, performée ma conscience pour qu'elle soit prête à l'évidence. Tu sais maintenant que j'avance positivement, mûr pour les conséquences. Si la vie, l'amour, essaie de mordre ou coup crisser la corde heureusement, j'étais l'ordre, j'accorde pardon au mal. Le bras, il veut me le tordre pour affaiblir ma sensibilité. Et j'y ai avec habilité, débilité dans ce cas. Ma rancœur me ronge souvent, je dois passer l'éponge. Sans me compter de mensonges, je change dans quel univers je plonge. Faut que je m'en sorte, mon âme, mon escorte. Ouvre la porte, la lumière m'emporte. Voilà, ma souffrance est morte, dans ce silence je m'exporte. Faites-vous en pas pour moi. En haut deux ans, j'ai en petite tenue, moi accueilli les bras ouverts. Si j'étais pas heureux en bas ici, ça va être contraire. Je veux pas que personne s'en fasse, un jour ou l'autre on se reverra la face. J'espère quand même ma mère qui m'a donné ma vie. Pardonne-moi maman, pour mes semblants de vie. Et pas mes chums, faites attention à vous. Adieu. 1981, 2001, you shouldn't feel guilty. I'm already dead.